Bah, Piu. Tu diras pas quand t'as pas prévenu. À l'homme comme le rat, je vis comme un détenu. Merci à ceux qui me soutiennent, à ceux qui m'ont soutenu. J'arrive comme un sous-marin quand ils s'attendent plus à ma venue. Cours arrière sur l'avenue, avec mon petit couteau du tabac. Ça lève le cross, torse nu. Une guitare, un tracker et ça te tabasse. J'suis dans la place, ancien chien dans la case. Qui trace. Ici ça vole, des GS, des T-Max et des triomphes. Ici ça tire, ça deal, ça casse, ouais comme un lion. Faut avoir des couilles pour se faire un beat à 9 millions. À force de faire fou pour ta dame, tu vas sauter comme un pion. Je veux que tu m'aimes parce que t'as rougi comme un piment. J'suis pas ton papa, j'vais pas te courir derrière comme un pion. Les derniers seront les premiers, j'ai mouillé le maillot, j'ai mis le but. Et maintenant j'suis champion. J'ai pris un coup de cric dans la tête. Et ces fils d'eux, ils sont pas comme le temps. Ce soir on va faire la fête. Je sais pas si t'entends. Je prends un coup de trick dans la tête. Et ces fils d'eux ils sont pas contents. Ce soir on va faire la fête. Je sais pas si t'entends. Je t'ai jamais vu, tu me parles de rue. Tu me parles de ton rappeur qui fait même pas de vue. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, je suis pas vrai. Tout pour le frérot et la madré. Tout pour les vrais, le reste je suis vraiment navré. Et quand l'adrénaline monte, je peux tanker dans le ventre. Pour te prendre ton réseau ça arrive en bande. Et quand l'équipe monte, ça hack t'entends. Faire le bif c'est tentant, quitte à prendre 50 ans. Et les Schmitt ils mettent des trackers dans les rétros. Ils prennent ton ADN, ouais sur des mégots. Ils ont des apparts, ouais, même dans le ghetto. Et quand ils s'embrouillent avec leur femme, ouais, ils frappent mes poteaux. Ça fait du business. Tu peux voir des fours de fou dans des petites tests. Et quand t'es trop gentil, des fois le petit il teste. J'essaie de voir les vrais défauts, je leur fais des petits tests. Je reviens de loin comme les rappeurs, tu es moi. Je peux pas mettre tout le monde d'accord, je sers des fois. Je prends un coup de cric dans la tête. Et ces fils d'eux, ils sont pas contents. Ce soir, on va faire la fête. Je sais pas si t'entends. J'ai pris un coup de trick dans la tête. Et ces fils d'eux ils sont pas contents. Ce soir on va faire la fête. Je sais pas si t'entends. Putain d'époque. Que ça fournit dans le bloc. 7 sur 7 je les choque, je fais le job. Et minimum je cache une barrette dans le pop. Je peux te faire le champ. Loin des Champs-Élysées, près des champs de vignes. Je vais bien ou je vais mal. Écoute mon son, devine, je les laisse parler. Je perdrai mon temps à vouloir les mettre d'accord. Hein? Ils verront que mon dos en I sur la Dominator. Fais pas le mec, fais pas genre. On t'incule même si t'as les bras Terminator.